This is California Spirit with Chris Morris. Salut à tous et bienvenue dans California Spirit Radio Show. Et j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. Oui, la première, c'est que vous pourrez désormais nous écouter partout en podcast sur les plateformes suivantes, iTunes et Spotify. Tous les liens d'ailleurs sont sur notre page Facebook, California Spirit Radio Show, et vos commentaires sur ces plateformes seront les bienvenus. Faites-nous connaître et partagez les liens s'il vous plaît. Et l'autre bonne nouvelle, eh bien vous allez la découvrir au milieu de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus. Seul petit indice pour vous aider, eh bien il s'agit d'un nouvel album sorti à 1000 exemplaires seulement et qui émane du fameux label de Madrid, Contente et Sonante. Restez à l'écoute car un extrait inédit sera joué dans quelques minutes. Dans cet épisode, beaucoup de nouveautés seront à l'honneur, donc à commencer par celle-ci. Il s'appelle Alan Thomas. L'auteur, compositeur, interprète et guitariste sort son sixième album « Two Sides to Every Story » en mélangeant les éléments rock, blues et jazz avec des chants attendrissants. Cet album contient 8 titres chantés et 7 instrumentaux. Si vous aimez Sam Cooke, Curtis Mayfield, Van Morrison, Bob Skaggs, Sting, Steely Dan, eh bien vous adorerez Alan Thomas, artiste vivant à Analeigh, petit village au bord du Pacifique, sur l'île d'Hawaï, ce qui rend encore plus attachant cet artiste qui n'hésite pas, après les répètes, eh bien d'aller surfer sur les vagues, oui, rien que ça. On s'écoute 15 minutes, tout de suite. Welcome, c'est Chris Morris qui vous accompagne pour une heure de West Coast EOR Music en exclusivité sur votre radio préférée. Waiting for my ship to come in, dreaming about my 15 minutes. The CD became a top 10 hit, alert the media about my 15 minutes. Wrote a speech for the Grammy Awards. Bought a tux I couldn't afford. Tune in, watch me win it. Had a premonition it would transpire. Never gave up or lost the fire. It'll be in my New York Times obit. Big 15 minutes. The video went viral, I cashed in. YouTube sensation for 15 minutes. Celebrity rehab after a bender. The usual baggage on the agenda. Lord, you've got a big hand in it. Can't you just begin it? That 15 minutes. They follow you, one of the rarefied and few. Since that review in Rolling Stone, date starlets under 25, sing on Saturday Night Live. Ready for my close-up, if you please. That 15 minutes. Like Popeye after eating spinach. We'll take a bath in the money I'll amass. Pretend it's gonna last. The sky's the limit for 15 minutes. Just 15 minutes. Accolades off the hook. Record downloads of the book. Your name tweeted round the world. for babes beyond reach before. Swear it's you they adore. When it's gone, I'll miss it. I'm sure gonna miss it. My 15 minutes. My 15 minutes. Just 15 minutes. That's all. This is Lindarella Ray, listening to The Sound of Love with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Blah, blah, blah. Ah, il s'appelle Christophe Kittler et arpente la scène du Doubs. Oui, la Franche-Comté, Besançon, pour vous situer géographiquement, et ce depuis 30 ans avec son groupe Interpol. Mais là, il vient de sortir un nouvel album solo, L'eau, aidé de Jean-Paul Florès, grand guitariste ayant collaboré entre autres avec Higelin, et l'artiste n'a pas hésité à rendre hommage à ce fameux groupe Steely Dan, et en général à cette musique californienne qui nous anime tous. Belle surprise en tout cas pour un Français que de s'attaquer au registre West Coast, en anglais, mais aussi en français, et bien tout Steely Dan. C'était le premier extrait de cet album que vous pouvez dès à présent vous procurer sur Amazon. Et bien entendu, d'autres extraits vous seront proposés dans les prochains épisodes. California Spirit Radio Show, the best all around the world. This is Tamara Champlin. And Bill Champlin. And you're listening to California Spirit. With Chris Morris. Have a good one. So you may think you've seen it all. Don't tell yourself it's real. Lessons you've learned you can't recall. Before you fall, receive the call. Believe what you really feel. And then there's the games, the long. They burn our frozen plains. They're so ashamed of yesterday. The love always left behind. Love knows more than we do. Only a fool turns their back on their heart when it's starting to feel. Love shows. California Spirit Radio Show, nouveauté avec cet album complètement détonnant entre The OR, Bleeding Secrets, Bill Champlin and Waterground, composé eh bien de Bill Champlin lui-même, bien entendu, de son épouse Tamara Champlin et de Gary Falcon. En extrait, nous avons écouté Love Knows, nouveauté donc dans votre musical California Spirit Radio Show. A smooth sound trip on Sunset Boulevard with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. California Spirit, extra gold. California Spirit Radio Show Extra Gold avec Goodnight Tonight. Paul McCartney et les Wings, publiés en single en mars 79. Eh bien, il s'agissait d'une incursion de McCartney dans le registre disco. Oui, tout simplement. Outre la version du single, une version longue de plus de 7 minutes a été publiée en un maxi 45 tours. Le succès du single ne s'est pas fait attendre et le disque, eh bien, est arrivé en 6e position des charts britanniques et en 5e position des classements américains, lui valant un disque d'or. En France, eh bien, le single se classe à la 4e place du hit parade. Celle-ci sera également interprétée par les Wings en concert. Et le moment tant attendu de cet épisode, eh bien, c'est maintenant, avec la sortie de cet hommage très fort de cet artiste regretté, Warren Wiebe, mais tellement méconnu de nos concitoyens, et cela serait dommage de passer à côté. Warren Wiebe, c'est avant tout une voix exceptionnelle de studio ayant enregistré avec les plus grands comme David Foster, Bud Bacharach et plein d'autres. Et grâce à mon ami Gabriel Raya de Contente et Sonante, eh bien, vous allez pouvoir revivre un moment exceptionnel avec la parution de cet album original Demos, featuring Warren Wiebe, 14 titres entièrement dédiés à l'artiste, dont 8 entièrement inédits. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, qui s'intitule Spend a Little Time With You, coécrit par Tom Snow et Dan Pitchford. Et ce titre, pour la petite histoire, pardon, devait faire partie de la BO d'un film, Undercover Blues, avec Dennis Quaid et Kathleen Turner, mais finalement le projet n'a pas pu aboutir. Mais il reste cette démo, interprétée par Warren Wiebe, en compagnie de Sean Murphy. Écoutez, c'est une pure merveille. Original Demos, featuring Warren Wiebe, Spend a Little Time With You, en exclusivité. Hi, this is Tom Snow, and you're listening to the California Spirit Radio Show with Chris Morris. I hold the phones 'cause I got you some news. I think we're finally through with paying our dues. So how's about we get away, away from it all? We've been crazy, we've been running too long. Ain't had the time to wrap you up in my arms. So what you say we take a break and have us a ball? 'Cause when the mood and the moment are right, wanna rock goodbye my baby all night. I wanna spend a little time with you. Hey, hey, me too. I wanna spend a little time with you. I don't care where we go. I don't care what we do. Because, ooh, it's true. I wanna spend a little time with you. I wanna spend a little time with you, baby. Every second that I'm out of my own, still it's time to come home. When we're together, don't you know, we got it made. That's what I'm talking about. But every time I pull you close to my heart, there's always something else that pulls us apart. Ain't it a shame there's only 24 hours in a day? Ain't it a shame? So let the bell ring and let the door knock. I got my own ways of stopping the clock. Oh, I wanna spend a little time with you. Hey, hey, me too. I wanna spend a little time with you. I don't care where we go. I don't care. I don't care what we do. Because, ooh, it's true. I wanna spend a little time with you. I wanna spend a little time with you. Hey. California Spirit Radio Show, that West Coast coolness wherever you are. Hi, this is Sean Lee from Young Gun Silver Fox, and you're listening to our brand new album, AM Waves, on California Spirit Radio Show with Chris Morris. Dog. Ah, encore un titre inédit, mais cette fois-ci de notre groupe préféré, les Young Guns Silver Fox, et cet extrait de leur dernier album, AM Waves. Et sachez que le duo gagnant, Sean Lee, Andy Platz, vont entamer une tournée à travers la Hollande, et bien tout le mois de novembre, et c'est pratiquement à guichet fermé, oui. En espérant bien entendu les voir jouer bientôt dans l'Hexagone, on va leur poser la question, car vous, comme moi, je suis sûr, vous êtes impatients de les voir sur scène. Nothing like the sunshine, the sea, and smooth, silky grooves on the California Spirit Radio Show. tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side, oh, when darkness comes. Ah, superbe interprétation de Kathy Melua et ce titre Bridge Over Troubled Water, reprise bien entendu de Simon & Garfunkel. Et cet extrait de son dernier album, Ultimate Collection, composé de 30 titres de ses derniers albums, de ses 7 studio albums bien entendu. Et ce titre a été enregistré eh bien en cette année, tout à fait, par l'Orchestre Philharmonique de Géorgie, tout simplement. Weekend vibes, West Coast jives, California Spirit Radio Show. Lost in the horror, well, I'm amazed. tried to see you through. Ah, qu'est-ce que c'est bon, nous sommes les seuls à vous diffuser ce genre de musique. Et nous n'oublions pas, bien entendu, les classiques Calif, tel Marc Jordan, Lost in the Hour, extrait de son album de 79 Blue Desert, sorti à l'époque sur le label Warner Bros. Et les crédits sont impressionnants, voyez plutôt Jack Redden, Michael Marnian, Jim Keltner, Bill Champlin, la grande cavalerie des meilleurs musiciens de studio était bien présente. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. This is Urs Wiesendonger, and you're listening to my brand new album Breakfast in Paris on California Spirit Radio Show with Chris Morris. Yes, that's when I realized one. vous avais dit que dans cet épisode, nous avions cassé la baraque. Tell Thierry Condor, Driving to LA, extrait de cet album Breakfast in Paris, The Youth, Vieux en Danger. Artiste de génie et grand habitué de notre musical, sorti sur le label Neuro Music avec des cousins Nick et Robin Eisman, que je salue bien bas. Et d'ailleurs, remercions Robin pour ses talents de photographe qui signe entièrement la partie artistique de cet album, avec des photos prises dans notre belle capitale. Et le remarquera aussi dans cet album des guests comme Jay Graydon, oui encore lui, donc un album essentiel à vous procurer très rapidement. California Spirit Radio Show. Your weekend West Coast habit. Sol bat son plein avec les Mama's Gun, Strangers on the Street. Et cet extrait de leur dernier album, Golden Days. Et ce groupe est exceptionnel, oui, je confirme. Car j'ai eu la chance de les voir en concert à Londres en juin dernier, dans la salle très branchée de l'Omeara Pub, à deux pas de Tower Bridge. Un moment inoubliable en compagnie du leader Andy Platz et de son groupe très sympathique. Woo! hitchhike along with Chris Morris on the highway of classic hits, California Spirit Radio Show. Since I knew ya, I wouldn't talk down to ya. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. I told you once, I won't tell you again. It's a bad, bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Put on the red light. Roxanne. Put on the red light. Roxanne. Put on the red light. Ah, so jazzy. David Garfield à l'instant dans votre transistor préféré avec cette belle reprise de Police, Roxanne, extrait de son dernier album Jazz Outside the Door. Eh bien dites-moi, vous êtes gâtés aujourd'hui. Ben oui. California Spirit Radio Show, your smooth sound drive on Sunset Boulevard. Hey, this is Diane Birch, and this is my new single, In It for the Race, on California Spirit Radio Show with Chris Morris. Finger to the sky, low on ammunition, you're the only enemy. Changing on the fly, boy, my premonition never tells a lie. Y'all just in it for the race. In it for the race. Oh, oh, oh. Don't you wanna see me again? You're just in it for the chase. In it for the chase. Oh, oh, oh. Don't you wanna see me again? Did I force the way you lie? In the shadows on your face from the candlelight. In it for the race. You got your fingers in the pie, eyes on every corner and down every street. Zero on the dial, I'm going back to Cali for a little while. Encore compris, eh bien sachez que ce In It For The Race de Diane Birch, eh bien, est mon coup de cœur, oui, tout simplement, produit par Sean Lee, un petit parfum des années 70, ça me rappelle un petit peu Carly Simon, Stevie Nicks. Et pour terminer cette spéciale, donc, nouveauté, eh bien, on finit par un gold. Kiss on my list. Voici Dario and John Oates dans le Transistor. I'm done. se passe comme ça toutes les semaines dans votre transistor préféré. Avec ce dernier titre, Kiss on My List, Daryl Hall and John Oates. Et d'ailleurs, très joyeux anniversaire, monsieur Daryl Hall. Et oui, 72 ans déjà, mais il ne les fait pas. Merci de votre fidélité en tous les cas. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Oui. Salut. À ciao. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.